89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du studio 1 de 1 du 89.1. C'est les palmarès cifou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 23 avril 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. T'as remarqué que deux semaines, c'est dire vite, hein? 10 au 23, c'est une période de deux semaines. Oui, ben oui, c'est vrai. Et en plus, c'est notre premier palmarès depuis un maudit bout, depuis le début du mois de mars. Pour ceux qui suivent seulement notre émission matinale Assemblage requis, parce qu'il n'y a que deux catégories de gens dans la vie. Il y a ceux qui suivent toutes nos émissions et ceux qui suivent juste Assemblage requis. C'est vrai. Il y a personne d'autre. Il y a pas grand monde d'autre. Pas mal ça. Je sais pas si ça se dit, ce grand monde d'autre. Ben, on va dire que... Ouais, c'est ça. Donc, depuis le début du mois de mars qu'on est absent. Pourquoi? Parce que je me suis fracturé le bras en date du 8 mars. Ouais. J'étais en arrêt de travail jusqu'à aujourd'hui même, le 18 avril. Et toi, ben, t'étais pas disponible pour animer l'émission seule. Tu t'es occupé d'assemblage requis. Et c'était, je dirais, ben en masse. Mais ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. 8 heures par semaine de radio, pas mal tout seul. On peut pas vraiment t'en demander de plus, hein? Bien, merci de comprendre. Oui, merci énormément pour tout ce que tu as fait pendant ce temps-là. Hey, ça fait plaisir. Mais on arrête de vivre dans le passé, on vient dans le présent pour nos palmarès, c'est fou. Première édition depuis ce temps-là, donc on a plein de nouvelles entrées. Ce qu'on va faire pour commencer l'émission, c'est qu'on va entendre les nouveautés du présent, celles de ce palmarès-là. Et le reste, on précisera pas, mais ça va être toutes des nouvelles entrées, pas mal. Oui. Parce qu'on n'a pas, grand-chose, nous, nous, fidèles auditeurs de C'est fou. On n'a pas eu grande occasion d'entendre des palmarès, c'est fou. C'est vrai. Une ou deux pièces peut-être les matins des fois quand t'avais l'occasion. C'est ça, oui, quand j'en avais l'occasion. Quand tu jouais pas Émile Bilodeau. Bien, en fait, Émile Bilodeau est resté top 1 pendant une grande partie des palmarès. Oui. Donc c'est une sûrement des raisons... parce que tu le jouais beaucoup, hein, sûrement. Non, il était là avant que je le fasse jouer. Bon, c'est pas ta faute. Non. On va commencer. Hey, OK, veux-tu bien? C'est le premier CD sur le bord. Je l'ai remarqué, mais c'est sûrement parce que c'est le seul CD physique qu'on avait, genre. C'est pas mal ça, en fait. On vit pas mal de MP3 et d'eau fraîche. Exactement. On va entendre les deux nouvelles entrées du côté francophone ensemble. Donc, plus tard, en 19e, il y aura OPE avec Embarcadère. Mais on commence avec Canaille et Backflip. C'est les pommes assez fous. Au 89 FM. Bye. nouvelle entrée. Les deux nouvelles entrées de notre palmarès francophone, on va entendre OPE avec Embarcadère sur l'album 8.2 en 19e place. Et tout juste avant ça, c'était Backflip de Canaille. Oh que oui! Petit bloc de francophone. C'est le début des nouvelles entrées, on l'a dit tantôt, mais on a plein de nouvelles entrées parce qu'on n'était pas en nombre depuis les dernières semaines. Maintenant, on va passer du côté anglophone. On a 5 nouvelles entrées pour cette période du 10 au 23 avril pour commencer un bloc de 2, tiens. Tout à l'heure, Timber avec Grifting, mais on débute en 20e place. Oh que oui! On débute tout ça avec Hot Kid et Cotton Delight. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Ouh. Un petit enfant chaud. Fun. Sing. nouvelle entrée. Clutches, touches, pushy, pulling, punches, rackets, bluffy, lunches, pulling off a fast one, riffing off the last one, reeling in the big one, fished in, fished in, grifting, grifting, grifting. Sur l'album Sincerely Future Pollution à Timber Timber, qui est un groupe de folk rock canadien qui existe depuis 2005. Et du côté de la 20e place anglophone, eh bien, c'était Hot Kid avec Cotton Delight. Hot Kid, qui est un band ontarien, en fait, de Toronto, exactement, avec Cilo Harrison, Peter McIntosh et Robbie Butcher. J'entends dire que lui aussi existe depuis 2005, Hot Kid, donc Timber Timber, les deux depuis la même époque. C'est vrai. Félicitations à eux. Ils se rejoignent comme ça en 2005. Ah, c'est comme c'est comme un couple. Un hasard, exactement, qui fait bien les choses. C'est ça. Donc, on a entendu deux de nouvelles entrées. Voyons, de nouvelles entrées. Ça va, ben, nous autres. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de la radio. il nous en reste trois du côté anglophone. Donc, on va entendre plus tard The Harpoonist and the Axe Murderer ainsi que Jen Grant, mais on débute en 18e position. Ok, oui, on va aller faire un petit peu de magie avec Black Magic et Ty Segall. Abracadabra! Ça fait longtemps qu'on a pas fait beaucoup de radio ensemble. C'est vrai. Tu t'as fait beaucoup de radio. C'est comme seule. Pas arrêter. Okay. Moi, je suis correct, pas besoin de congé, ça va aller. Ça va? Un mois, c'est pas en masse. Wait for my candle. The wax is almost dry. I'd like to show you before we say of time, out on the road, screaming like my lungs on fire. Do you see me laughing with my love wide eyed? Thought made of everything getting a tie. Why not we made up, crisscrossing out of luck. Tears keep falling, I say my dreams are out of touch. Forever. shines in the heat. I hope, and I'm here, my love. Even when I'm standing out alone, and there's a galaxy of us that shines in the heat, pulling me home. Even when I'm standing out alone, and there's a galaxy of us that shines in the heat, calling me home. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Nouvelle entrée. I don't wanna be a fool forever. Forever Fool par The Harpoonist and the Axe Murderer. C'est un groupe de studio, en fait, blues, basé à Vancouver. On a aussi entendu Jen Grant avec Galaxies. Mm-hmm, et on a débuté le bloc avec Ty Segall et Black Magic sur l'album Goblin EP. Ty Segall, je pense que tu as appris quelques affaires sur lui. Oui, bien en fait, si vous allez faire un tour sur son site internet, c'est drôle parce que la première chose que vous allez voir, c'est qu'il est aussi un artiste peintre. Il fait beaucoup de peintures et il va être qu'une seule fois au Canada en spectacle. Ça va se passer du côté du mois d'août et ça va être à Vancouver. Donc, je suis désolée si vous passez le voir ici au Québec ou encore un petit peu plus dans l'Est. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest ouais. canadien, non, dans l'Est canadien. Vancouver? Non, mais nous. OK, je pense que tu parles de Vancouver. Excuse-moi. Non. Ouais. Non, sinon, achetez-vous un billet, là, Vancouver, puis vous allez pouvoir le voir. De toute façon, les étudiants qui s'en vont dans l'Ouest canadien, il y en a pas mal, d'habitude. Oui, ben oui, c'est vrai. Donc, nous voilà maintenant à l'arrivée de ces nouvelles entrées pour la période du 10 au 23 avril 2017. Comme on l'a dit en début d'émission, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas fait de palmarès, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas entendues. On va pas spécifier, on va pas faire la biographie de tout le monde là-dedans, eh ben, parce que le temps va être long. Là. Donc, on va sauter par-dessus une pièce en anglophone qui s'appelle Five Fucloxacillines par Los Campesinos. C'est donc stable en 15e place, mais on la saute. Ok, oui, du côté francophone, eh bien, on va aussi sauter par-dessus deux pièces, entre autres Saratoga avec Danse et Lent et Mardi Noir avec Des Jours et des Mois. On va écouter la 16e et la 15e. Mm-hmm, commençons par la 16e par le groupe Tendre. Et Se voir partir. Ouh, les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Yeah. Bagallo et nouveau Cidobre descendent une place en 15e position francophone. Et du côté francophone, encore une fois, mais à la 16e position cette fois-ci, eh bien, c'était Se voir partir de Tendre. Je trouve que ces deux pièces-là ont quand même sonné printemps et début d'été, Mathieu. Ça allait bien ensemble, en plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Un beau petit duo. Position 15 et 14 qu'on va sauter. Donc, en anglophone, on va sauter enfin aussi par-dessus la 13e, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, en 15e, on saute Los Campesinos. J'ai déjà dit tout ça, hein? Oui. Ouais. Oui, c'est 14 et 13, voilà qu'on saute. Exactement. Donc en 14e, c'est Drive-By Truckers avec Surrender Under Protest qui est stable. Et en 13e, on saute Home Shake et Every Single Thing qui descend de la 6e. Du côté francophone, eh bien, nous, on va sauter par-dessus la 14e et la 13e position, c'est-à-dire qu'on saute par-dessus Le Couleur et Premier Contact. Et on saute aussi par-dessus Calypso Valois avec Le Jour et on va aller écouter la 12e et la 11e. C'est-à-dire que tout à l'heure, on va entendre Matt Vizio avec Réparer le départ, mais on va entendre... On va entendre Cloud Nothings et The XX, c'est ça? On commence avec groupe Doué et Cheveux. Oui. En 12e. C'est bien ça. Je penche. Tout ça. Moi, à place de faire de la physio pour mes bras et mes muscles du bras droit, là, ouais. Je vais faire de la physio pour comment dire les palmarès. C'est fou, ça te va? C'est bon. Essayer de m'entraîner un petit peu le cerveau, là, puis tout ça, ça va revenir. لا سويد الحمى خالي البالي Oh, Blues. Say what you are to anyone, and you reveal your weak. Yeah, where would you go to lose all your angles? How would you make it complete? You nullify and cut them off. Like mine anymore. Turn the world to one worth living. But yeah, it looks like mine anymore. Turn the world to one worth living. But yeah, it looks like mine anymore. Turn the world to one worth living. But yeah, it looks like mine anymore. Turn the world to one worth living. But I'm not the one. Soleil oublié.

you coming back to me? When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. The XX est on hold. Position numéro 11, ça monte de 7 places en anglophone. Du côté francophone, on a entendu Matt Vizio avec Réparer le départ. Oui, une bonne marque de TV aussi, ça. Oui. Vizio. Avant ça, c'était Cloud Nothings avec Internal World qui descend de 9 places en 12e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Groupe Doué et Cheveux avec Je Penche. Ouais. C'est la fin de la première heure. On se retrouve pour une deuxième avec les positions 10 à 6. Probablement aujourd'hui, aucune chronique, donc on va sûrement avoir le temps de jouer ce qu'on a sauté tout à l'heure. Restez avec nous. Ok, oui. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est toujours les parleurs assez fous pour la période du 10 au 23 avril 2017. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, ça fait un long temps qu'on n'a pas animé les parleurs assez fous ensemble. Depuis le genre, je sais pas, ça devait être le 7 mars. Oui, approximatif. Environ une journée avant mon départ. Oui. Pour mon arrêt de travail. T'as bien raison. De mon nuit. Mais nous sommes de retour et c'est les premiers palmarès depuis ce temps-là. Donc, on a plein de nouveautés. L'émission au complet est composée de nouveautés pour nous. Donc, ne vous en faites pas avec ça si on ne propose pas, si on ne dit pas à chaque fois. On va faire comme si de rien n'était pour le reste de l'émission. Mais oui, bon. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on va faire un bloc avec les 10e et 9e places. Plus tard, en anglophone, il y aura Jacques Green. Je me suis aussi posé la question. Je veux dire Jacquees. Green et Leif Vollebæk tout à l'heure avec la pièce Elegy. Mais on commence tout ça avec Leif. Non, tu viens de le dire. On va commencer ça avec le côté francophone, oui, j'imagine. Mathieu, exactement. On va aller écouter Junior en 10e francophone avec Extra Lucide. On va prendre un petit Junior Extra Lucide puis du bacon, c'est bon. Du bacon, extra bacon. C'est fou. Au 89 FM. Yeah. the chords of Major Arcana. Little leather jacket and a black bandana. Kicking over trash cans and telling jokes in Atlanta. When I got the fever, it hit me like a fan on the back of my head. I don't know who I am, but I'm free for nothing, good for nothing too. Crazy dreams, still crazy about you. Won't you let me in one more time, babe? I wanna feel it too. Well, nothing is a lie, babe, if you know it ain't true. Take a look at me now. Take a look at me now. Reparations now coming my way. Dues I've recollected that I never paid. In the stained glass windows, babe, I feel the presence, oh yeah. But that don't mean I'm done with repentance, oh no. Gonna find another way to climb out of this basement. Gonna find out what that smile on your face meant. Like a thief that you borrow, baby, take hold of me, take flight. And I wanna do your bidding, babe, I wanna steal away in the night. Take a look at me now. Take a look at me now. Heart's on fire, so is the page. Everybody around here is telling me to act my age. I'm trying. Things are only revealed in the light that is given. Oh, to be free from the pardon when all else is forgiven. Rain outside's blowing in the curtains. Nothing is revealed, but nothing is for certain. As I recall, you was drinking from the sanctuary wine. Well, don't worry, baby, we'll find all of our lost time. Take a look at me now. Take a look at me now. As I recall, you was standing there, you was holding your rosary beads. Ooh, everyone around here seems to think he knows what he needs. Ooh, seven ugly reasons kept me away from you then. Ooh, nothing is much weaker than the resolve of most men. I remember when we was alone in your room. Staring out your window, we knew you'd be going soon. And I was so young, babe, I hoped that you knew that I meant well. And when I looked in your eyes, I thought I knew you could tell. Now I'm blown back from the cemetery gates. You who I love dearly, now I must wait. To be reunited in the sky when it opens. Well, my feet are so tired, baby, but my spirit ain't broken. Take a look at me now. Take a look at me now. tu. Et tu pour moi, est-il trop tard? C'était Jacques Green avec Toussaint qui monte de 11 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée, donc ça a franchi la moitié et plus de notre palmarès anglophone. Oh mon Dieu, oui, t'as bien raison. Mathieu, si je ne me trompe pas, avant ça, on a entendu Paupières de Sans Ailes. Ah oui, absolument, mais c'est okay, le contraire. C'est, bon. c'est le contraire. Oui, c'est ça. Sans Ailes de Paupières. Mais... C'est ça, ouais. Avant oui. Oui, ça... j'ai dit Paupières de Sans Ailes. Hein. Contraire, contraire. Non, non, tu connais ça. Faire trois affaires en même temps, là, c'est pas mon fort. À qui le dis-tu? Position numéro 10, ça monte de deux places en anglophone. On a entendu Leif Volebec avec Elegy sur l'album Twin Solitude. Du côté francophone, eh bien, attends-toi à un méga saut parce qu'on a fait 10 positions depuis le dernier palmarès. C'était Junior avec Extra Lucide. Mais sans salade. Mais sans salaire. Extra bacon. Extra bacon. C'est ça. Puis une petite poutine. Oui, oui, apparemment. Sans oublier la petite croûte de bière. J'ai entendu une croûte de bière, j'étais comme... Non, une petite croûte de bière. Une petite croûte de bière, c'est comme la petite croûte qui se forme dessus du verre. Là. Non, non, non. Position numéro 8 du côté anglophone, ce sera Crystal Fairy avec Chiseler qui monte de la 11e place sur l'album et toponyme Crystal Fairy. Et du côté francophone, eh bien, ça va être À quoi Serge avec Tour du Monde. À quoi Serge? À quoi ça sert? Tu sais, À quoi Serge, Tour du Monde, ça sonne vacances. Ben absolument. Oh. Ça sonne comme si on s'en va se baigner. Pareil. Faire des cours d'aquaforme. Ah, tout ça au palmarès, c'est fou. 89 FM. C'est fou! 89. 8. Fairy avec Chiseler, c'est en position numéro 8. 8. Toujours de la misère avec les lignes, hein? Ah ouais, je sais, moi aussi. Moi aussi, c'est comme toi, faire deux affaires en même temps, il faut que je baisse le fond parce que les tunes sont tout le temps MP3 ces temps-ci, puis je te dis, des excuses tout le temps. Crystal Fairy, donc en anglophone. Du côté francophone, on a monté de la 11e position jusqu'à la 8e, c'était Aquaserge avec Tour du Monde. Absolument. Prochain bloc, on parle des 7e, bien sûr, après les 8e de tout à l'heure. Les 8e. Hein? Du côté anglophone, ce sera Zouzou, Chouchou. Ah ouais? Chouchou. Avec, Chouchou. Oui, Chouchou. Avec Wandering qui monte d'une place sur l'album Foriat. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Pony avec Brise-Glace. Oui, je l'ai déjà dédié ce matin à moi-même et mon ma chute sur glace. Oui, exactement. Donc, vu que je peux pas refaire la même chose, je vais la dédier à mon médecin. Ah! Aux assureurs des déneigeurs de la ville de Trois-Rivières. Bonjour! Sure. Yeah. tu chantes dans le même registre que je n'entends toujours pas. Entends mon fiel comme une promesse, non pas d'amour mais de détresse. Ma rage est une arme de guerre qui n'attendra pas tes prières. Pour te renvoyer en enfer. Vous avez des écouteurs et que vous écoutez l'émission en ce moment, le son est bizarre de deux batteries différentes dans deux côtés des écouteurs, c'est quelque chose. On vient d'entendre King Gizzard and the Lizard Wizard avec Anoxia qui monte une place en sixième anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était les Deluxe avec Diable du Printemps. Oui, version française de Springtime Devil. Que j'ai envie d'entendre dans quelques instants. C'est vrai, hein? Du côté anglophone, avant ça, on a entendu Chouchou, et j'ai bien vérifié, oui, c'est Chouchou. En fait, même, je suis allé voir voir sur YouTube pour voir comment ça se prononçait. Ça se prononce comme ça. X-I-U, X-I-U. Oui, bon, ça, oui, ben oui, ben c'est sûr. Chou-chou. Hein? Ah, voilà. Chou-chou. Chou-chou. Chou-chou, pichou. Chou-chou, pichou. Oui, oh mon Dieu. Oh, Juju Bijou. Dit par une voix masculine, c'est pas la même chose. Bref, chouchou avec la pièce Wondering qui monte d'une place en 7e anglophone. Et du côté francophone, eh bien c'était Brise-glace de Pony. Tiens, et avant de continuer avec les prochaines positions qu'on va retourner en arrière, allons entendre les deux luxe avec Springtime Devil. Oh, assez fou 89 FM. C'est pas assez fou. Tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory of youth, not love, of apathy, misanthropies, a sentiment you provoke in me so well. I won't descend back to your hell. Devil, un petit moment de déjà-vu, on venait d'entendre, ben de déjà-entendu, on va se dire, on va inventer l'expression déjà-entendu, comme ça avait jamais été dit. Tantôt, on a entendu Diable du printemps, donc c'était comme un mini-bloc, c'était fou vu qu'on n'a pas cette semaine, pourquoi pas. Est-ce que tu préfères la version francophone ou anglophone? Écoute, c'est difficile à dire. Je me suis habitué à la francophone depuis les dernières semaines, on dirait que je l'aime plus. Ça fit les paroles. J'aime bien les deux, ouais. Ouais, ouais. Bref, très bon ça, les deux, Luc. Maintenant qu'on a été voir le passé, revenons dans le présent, mais... Le passé très rapproché dans le sens qu'on a sauté tantôt par-dessus quelques pièces. Alors, on va entendre les 13e places en anglophone. On vous suggère d'écouter très attentivement la pièce Every Single Thing par Homeshake qui descend de la 6e place. Et du côté francophone, eh bien, on va aller écouter la même position, c'est-à-dire la 13e. Et ça va être Calypso Valois avec Le Jour. Oh, c'est des palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Oui. We'll be right back. I'll stop by the grocery on the home and get Hey, are you even paying attention to me right now? Every single thing running through my head. Le couleur et premier contact descend de la 5e place en 14e anglophone, 7e semaine de présence sur l'album Pop et avant ça, on a entendu les 13e place. Ok, oui, on a entendu Calypso Valois avec Le Jour, ainsi que du côté anglophone, c'était Home Shake avec Every Single Thing. Voilà, on est rendu à la fin de la 2e heure, il nous en reste une 3e, une dernière, le tiers de l'émission, si on compte bien. On va voir les positions 5 à 1 et on va savoir d'ici la fin si la numéro 1 anglophone est toujours Napalm Pom avec Get Love. Et on va essayer de savoir si du côté francophone, ça va toujours être Sago avec Les Sentiers de Terre. La réponse au retour, au Palmarès, c'est fou! Ouh, 89 Ouh. FM! Les Palmarès, c'est fou pour la semaine. La période du 10 au 23 avril 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui. On le dit une fois par heure depuis le début de l'émission. C'est notre première édition des Palmarès, c'est fou depuis le mois de mars. Donc, on a plein de nouvelles choses qu'on n'a pas encore entendues. La semaine prochaine, à l'émission, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. On va travailler là-dessus. Parce que là, on fait le 10 au 23 avril. La semaine prochaine, ça va être le même palmarès. Oui, c'est vrai. On verra ce que ça donnera. Hein? On sait bien pas. Donc, position numéro 5 du côté anglophone, ce sera Ostra avec Future Politics qui est stable sur l'album du même nom, Future Politics. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de une position. C'est Gabriel Noël avec les 7 juin de... et aussi les Diakibés. Crim, le temps a passé vite. On est déjà rendu au 7 juin. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Depuis quand c'est les dia Kepi et non Kepinski? Écoute, je sais pas. Ah. C'est son diminutif. Ah, c'est la main. Kepi, je sais pas. Mon corps rivière. Dieu prière, la petite lumière. On n'est pas encore perdu. Nos corps ne sont pas repus. On n'est plus là, mais on n'est pas parti non plus. On est roi et reine d'une bulle, d'un royaume de cellules, de souffles qui perlent et qui pullulent. Plus de draps pour nous retenir. Dans les forêts de tes bras, dans la mort de tes mois, dans le look ahead and I think about it. There's still a hole somebody needs to heal. Yeah. you, but I know we will always look the same, like April rain. Now and then I think about the river view. Through a blue foggy haze, I'll bet you miss it too. But I know that you're where you need to be, out in the country. Purple's gone, out to the great beyond. Orange is by your side to help avoid the outside. Checking in, nothing much with me is new. I'll check again in another month or two. But I thought I'd let you know you're on my mind, with no curse of time. I listened to some of our records yesterday. Wanted to, I'll come up there and play. But I know that's not where you're at today. Stay calm in your quiet getaway. Long gone are the days, they've all passed away. I just can't wait to get on the road again. The CDs avec Riverview Fog, c'est ce qu'on va entendre en position numéro 4. Ça monte de 6 places en anglophone. Du côté francophone, on est descendu de 2 positions. En 4e, eh bien, on retrouve les instants d'équilibre de Clopelgag. Les choses avancent. Il nous reste une quarantaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui, environ, jusqu'au numéro 1. Et on est déjà rendu dans le top 3, donc je pense qu'il nous reste encore assez de temps pour pouvoir encore une fois entendre des pièces qu'on a sautées. Donc en 3e place anglophone, ça descend de 1. On parle de Franklin Electric et une pièce de leur album Blue Ceilings qui s'appelle I Know the Feeling. Et du côté francophone, eh bien, c'est un groupe qu'on a entendu à quelques reprises ici, assez fou, de l'album Olinéa, c'est Olinéa avec la Somme. On peut m'arrêter, c'est fou. De la formation Olinéa, c'est Olinéa. C'est ça. Avec la Somme. 1 plus 1 égale 2, c'est ta raison. Exactement. Une formule mathématique. T'as-tu compris? Ouais. Il y a des parenthèses dedans qu'il faut faire en premier. C'est ça. It's amazing how my eyes have grown to see the colors right. And I never thought it before I saw you last night. Franklin Electric et I Know the Feeling qui descend d'une place en troisième anglophone. Ça fait 7 semaines que c'est sur les palmarès sur l'album Blue Ceilings. Et du côté francophone, eh bien, Oli Néa reste stable depuis le dernier palmarès parce que s'il était déjà en troisième position. Ah, ben voilà. Des fois, les choses ne changent pas. Ah, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, exactement. Justement, hein, c'est comme ça que ça se passe, mais pas toujours. Parlons-en. Il y a des mouvements, là. Il y a des petits mouvements, là. Numéro 2, là. Je parle pas de mon ventre. Okay. C'est blague. C'est comme Hubert. Numéro 2, anglophone, c'est Lesbo Proven, oui, avec Colori qui monte de 2 places. 4e semaine de présence. Leur album s'appelle Griff Piff. Oh, mais du côté francophone, par contre, ça bouge pas mal, Mathieu? Non. Ok, oui. Ah, tu vas pas me dire non. Ben oui, je te le dis là. La 2e position cette semaine, bien, c'est l'ancien numéro 1. Je savais. C'est Sago avec les sentiers de terre. Oh oui, ouh. Hein? C'est... ça bouge. C'est ça, faut se lancer un arbre, hein? C'est pareil. Attention, pas de casser un bras. Oh. Ça fait mal, apparemment. Rappelle-moi pas les mauvais souvenirs, je pourrais avoir des séquelles le reste de ma vie. Ah, c'est vrai. Eh, ouais. Fais attention à toi, là. Voici Sago, les sentiers de terre. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. Thank you. deux. La pièce s'appelle Coloris. C'est à monde de deux places en deuxième position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était les Sentiers de terre de Sago. Absolument. Alors, on va prendre une petite pause. Le temps de vous dire, par contre, pour ceux qui nous écoutent en direct le mardi, c'est la grande assemblée générale annuelle de C'est fou 89 FM et de la zone campus. Ce soir. Ce soir, donc mardi à 17h. Consommation gratuite. Ok, oui. Absolument, il faut dépenser un petit peu par contre pour manger de la nourriture et ça, ça va valoir la peine hein, parce que 5 à 7 offre bâtonnets de fromage, rondelles d'oignon, saucisse bacon et bagie à la chasse galerie. Ça ressemble à une pub, mais j'ai juste vraiment faim. Ouais, c'est ça. Pour des rondelles d'oignon. Mathieu a faim depuis tantôt, donc... Et vous énumère le menu. Le groupe des médias étudiants qui vous invite à son assemblée générale annuelle pour mieux connaître l'organisme, avoir la possibilité de vous y impliquer et pouvoir vous prononcer sur les points à l'ordre du jour. Je vous embêterai pas avec les points de l'ordre du jour. Ça peut avoir l'air lourd, mais soyez-y en personne. Ça va être pas mal plus léger avec une petite bière à la main puis des rondelles d'oignon de l'autre bord. Mm-hmm. Hein? Et venez aussi célébrer mon retour, apparemment. Ben oui, c'est clair. C'est ça. Bref, chasse galerie, entre 17h et plus tard dans la soirée. Hein? C'est cool? Oui. On repose au retour les potions numéro 1 et plus au palmarès. C'est fou. Assez. Thank you. C'est toujours les Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 23 avril 2017, toujours avec Talia Baudin. Et oui, et Mathieu Plante. On est rendu au numéro 1 déjà, c'est comme ça. 20 minutes, ce qui nous reste environ 25. Oui, comme on se souvient, moi je vais quitter un petit peu plus tôt. Mathieu va rester jusqu'avec vous, ben bien oui. Évidemment. Ben oui, faut bien que je fasse un petit 5 Mathieu minutes aussi seul. S'en va. Non, mais c'est rentable, c'est raisonnable. Je fais 10 minutes tout seul, alors que toi, t'as fait 8 heures fois 6... Combien? 4 semaines? 6 semaines. Non, 4 semaines. Ben oui, t'as été 4 semaines absent sur plus un 2 semaines. Ouais, mais la première semaine. C'est pour ça qu'on a calculé oui, tout mais à l'heure. T'étais pas là la première semaine, t'étais en Floride. La semaine du 13. Donc, t'avais pas le bras cassé. Oui, j'ai le bras cassé depuis le 8 mars. T'as animé la semaine du 20 mars, la semaine du 27 mars, la semaine du 3 avril et la semaine du 10 avril. OK, ça fait 4 semaines. Ça fait 4 semaines. Mais c'est beaucoup plus long que ça en termes de vrais jours et de vrais. T'avais le bras cassé quand je suis en Floride? Oui. Ça, je suis revenu. C'est le 8 mars. Ah! Non, d'accord. T'es parti en Floride après. OK. Je me suis cassé le bras. Oui. T'étais pas supposé être là jeudi, et moi non plus, j'ai pas été là finalement. Oui, c'est ça, exact. OK, je me souviens maintenant, oui. Ah, bref, fallait oui. Être là. Oui, je me souviens, les publicités étaient pas en nombre. Oui, s'il y avait rien, il n'y avait pas l'émission. C'était le fun. Disons que les employés de C'est fou sont un peu nombreux et tout pas mal, tous essentiels. Ben voyons, de quoi parlais-tu? Je sais pas pourquoi j'ai mis le mot pas mal, on est tous essentiels. Mais oui, clairement. Bref, tout ça pour dire que les numéros 1, hein, Colin, c'est pas parce que t'sais, qu'on est revenu qu'il faut qu'on s'en aille. On va rester ici le plus possible pour essayer de finir la session en beauté. On sortira pas avant que la job soit faite, comme on l'appelle. Hein? Mm-hmm. Voilà. Et puis, on doit se montrer de l'amour les uns les autres, les employés. Hein? Et on doit recevoir l'amour des auditeurs. Oui. Ah, et tout ça, faut être là pour recevoir de l'amour. Si on n'est pas là, il n'y a pas d'amour. Comme ouais. Moi, quand j'étais pas là, il n'y a pas personne qui m'a dit. Ouais, non, c'est ça. Pour arrêter les soins. Parce que personne ne savait. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. J'ai gardé ça secret, je gardais ça pour moi. Ben oui. Ouais, okay. J'ai absolument aucun jeu de mots à faire avec ça. Y a rien. Non, j'essayais de savoir où tu t'en allais, là, puis sérieusement, je voyais rien. Non, je sais que tu essayes parce que. J'allais ouais. Surtout essayer de savoir qu'est-ce que tu allais mettre avec l'artiste anglophone. Ben, c'est ça. je n'ai pas d'idée. Ne parle pas de mémoriser. Et toi, tu dois tout expliquer ça parce que t'es une petite fille sage. Tu fais partie des filles sages. Tu trouves? Merci, oui. C'est gentil. Il y en a beaucoup qui diraient le contraire, oui. Mais je vais accepter le fait que tu penses que je suis une fille sage. J'essaye. Moi aussi, j'essaie de le penser maintenant, rendu à 25 ans. Un jour, t'as le corps de ta vie de fête? Oui, exactement. Ça va vite? Ça va très vite. Explique-nous les jeux de mots vraiment très, très douteux que je viens de faire, s'il te plaît. Je sais pas si je peux les expliquer, honnêtement, parce que je suis pas certaine, je les ai compris. Non. Non, je peux pas. Je suis rouillée, ça paraît. Écoute, je suis une fille sage parce que l'album du top 1 francophone, c'est Les Filles Sages. Oui. Puis, t'es sortie comme ça, là. Fallait qu'on revienne pour faire la job jusqu'à la fin de la session. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sortie possible ici. Pour le reste de la session, pour qu'on soit tout le temps là. OK, c'est parce que. Pas le droit de rhume. Le top 1 francophone cette semaine, c'est la sortie de Samuele. Samuele? Je sais pas si c'est Samuele ou Samuel. J'ai aucune idée. Mais je voulais faire un jeu de mots de Samuel Épinière, mais j'avais déjà fait en ronde, fait que je voulais comme pas réutiliser mes. Mais je suis tout le temps ça, réutiliser mes gags en ondes. Oui, tu fais tout le temps ça, tu fais souvent ça. Pourquoi je me suis retenu en fait? Ouais. Mais c'est pas grave. Et du côté anglophone, bien, il faut se donner beaucoup d'amour entre collègues de la radio C'est fou à 89.1 FM. Vu parce que les auditeurs nous en donnent pas, même quand on n'est pas là. Hein, c'est ça? Ça. Parce que du côté anglophone, bien, le top 1, c'est Get Love de Napompom. Napompom. De l'album The Core Competencies of Napompom. Et voilà. Hein? C'est ça. Il y avait pas grand jeu de mots à faire avec ça. Difficile comme ça, man, ouais. Mais c'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous? Allons entendre notre numéro 1 francophone. Que donc, voulez-vous? T'as lâché ça comme si de rien n'était. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Mamma mia. Que voulez-vous? Mamma mia. voici Samuel et la sortie au palmarès. C'est fou. Au 89 FM. Oh boy. Qui vivait dans l'attente d'absolument personne santé. sans patron, sans mari et sans chien, a refait sa maison dans une ruche sans reine, loin des princes charmants qui voudraient changer son nom. Prenez amant tout amant, selon les saisons. Question de goût, on peut pas par ici sortir. On peut pas par ici sortir. Il était une fois une femme arc-en-ciel, prête à montrer l'écran à qui s'en prend à ses ailes, sans télé, sans patron, sans plastique et sans chaîne, avait fait sa maison. Sans rien, loin des images préfaites, une beauté sans pareil, grandiose et parfaite, la tête aux orteils, pas envie, pas le goût de répondre aux standards, quelle vue gaspillée, le nez collé au miroir. Sans télé, sans patron, sans état ni patrie, une jolie maison à deux pas de la sortie, où la vie est douce grâce au miel de chacune, que ça tire ou ça pousse, ça se sert les plumes, pas envie, pas le goût de vivre chacune pour soi, ça réchauffe, voyez-vous, de partager. La période du 10 au 23 avril 2017. On va y entendre Napalm Palm en anglophone stable avec Get Love sur la bande The Core Competencies of Napalm Palm. Ça dure depuis 6 semaines. Avant ça, en francophone, c'était Samuel et la sortie qui monte de 7 places sur l'album Les Filles Sages. Donc voilà, il nous reste encore une quinzaine de minutes, juste assez de temps pour retourner en arrière et en fait entendre. Je crois que d'ici la fin de l'émission, si tout va bien, on va entendre tout ce qui nous reste. Donc on va avoir entendu les 40 pièces de nos palmarès. Plus tard, on aura en 15e anglophone Los Campesinos avec Five Fluclo Xaxilin. Hein? Avant ça, on va entendre les positions 17 et 18. Donc plus tard, Mardi Noir avec Des Jours et des Mois. Mais pour l'instant, voici Saratoga et l'extrait Danser Lent au palmarès C'est Fou sur les 89 FM. Quand tu vois que j'ai pas les mots pour toi, quand tu vois que je choke et baisse les bras, je me dessine encore. Thank you. Et des jours et des mois au Palmarès C'est fou. C'est là-dessus que ça se termine pour cette édition de la période du 10 au 23 avril 2017. On vient d'entendre donc Mardi Noir avec des jours et des mois. Avant ça, Saratoga avec Danser Lent. Tantôt, j'avais dit qu'on allait jouer presque toutes les 40 pièces. Le mot presque était à souligner parce qu'on ne jouera pas Drive-By Truckers. Il nous reste seulement de la place pour entendre Los Campesinos. Du côté anglophone en 15e place stable, l'extrait Five Fluclo Claxeline sur l'album Six Scenes. Je l'aurais présenté ou annoncé trois fois cette pièce-là aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est difficile à dire. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis, en direct entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, c'est Réanimation, émission de métal et d'horreur. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est aussi Réanimation. Et puis finalement, les samedis, entre midi et 15h. Restez à l'écoute en général. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Encore une fois, Los Campesinos dans quelques instants. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Doesn't matter, hangovers always chronic. up behind me. Shouting, step up your paces, we got places to be. A pile out of OAPs crashing in my slipstream. Shut up your faces, I'm not.